بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 5 dans le tafsir de Surat al-Hujurat. Le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah. Et on est arrivé aujourd'hui au verset numéro 6. Verset numéro 6 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin » C'est-à-dire, ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une information ou une nouvelle, vérifiez-la, de crainte que par inadvertance ou sans vous en rendre compte, vous portiez atteinte à des gens et que vous regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique ce verset-là et il dit « ثُمَّ قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا تقدم الكلام على قوله يا أيها الذين آمنوا وإن جاءكم فاسق الفاسق هو من انحرف في دينه وعقيدته ومروءته ضده العدل وهو من استقام في دينه ومروءته فإذا جاء فاسق منحرف في دينه ومروءته بمعنى أنه مصر على المعاصي تارك للواجبات لكنه لم يصل إلى حد الكفر أو منحرف في مروءته لا يبالي بنفسه يمشي بين الناس مشية الهوجاء ويتحدث برفع صوت ويأتي معه بأغراض بيته يطوف بها في الأسواق وما أشبه ذلك مما يخالف المروءة فهذا عند العلماء ليس بعدل. Donc on va expliquer ça en premier. Le Cheikh il explique, il dit qu'on a déjà mentionné donc qu'est-ce qui a rapport avec la parole d'Allah lorsqu'il dit ô vous qui avez cru. Lorsqu'il dit ô vous qui avez cru, on a expliqué que ça voulait dire qu'il va, quand il appelle les croyants, et quand il dit « Oh vous qui avez cru », il va mentionner quelque chose, soit un ordre ou soit une interdiction, alors prête ton oreille et porte attention à ce qui va être mentionné. Ensuite il dit « In ja'akum fasiqun » yani « si vous vient un pervers ». Il explique que le pervers en question, « al-fasiq », c'est celui qui a une déviation dans sa religion ou dans sa croyance, ou dans son comportement, dans ses mœurs. Et le contraire de al-fasiq, c'est la personne qui est al-adl, c'est-à-dire qui est juste, qui est honnête, qui est droite dans sa religion et dans ses mœurs. Et il dit donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui signifie que si un pervers vous vient, qui est dévié dans sa religion et dans ses mœurs, c'est-à-dire que c'est une personne qui persiste à faire les péchés, persiste à faire des péchés ouvertement, et qui abandonne les actes obligatoires dans l'islam, hein, sans aucune gêne, mais que cela n'a pas atteint le degré de la mécréance, donc, ou bien que c'est une personne qui est déviée dans ses mœurs, qu'est-ce que les gens disent de lui ou qu'est-ce que les gens pensent de lui, ça n'a aucune importance pour lui. Hein? Il fait n'importe quoi, il agit n'importe comment, il parle à haute voix, il n'a pas de bonne manière, il sort avec les affaires, les choses de sa maison, qu'est-ce qui se passe chez lui, il le mentionne partout dans les marchés ou dans les endroits publics. Il n'a pas de gêne ou de mœurs. Pour les ulama, cette personne-là n'est pas considérée comme étant une personne droite. Il dit « In ja'akum fasiqum binaba'in, in ja'akum bi khabarin min al-akhbar, wa huwa fasiq. Wa mithalu zalika, ja'ana rajulun haliqun lihyatahu, wa haliqun lihya fasiq, li'annahu musirrun ala ma'asiyatillahi wa rasulihi. » صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى وهذا لم يعفي لحيته بل حلقها وهذا الرجل من الفاسقين لأنه مصر على معصيته على معصية جاءنا بخبر فلا نقبله لما عنده من الفسق ولا نرده لاحتمال أن يكون صادقا ولهذا قال الله عز وجل فتبينوا ولم يقل فردوه ولم يقل فاقبلوه بل يجب علينا أن نتبين وفي قراءة فنتثبت فتثبتوا وهما بمعنى متقارب والمعنى أن نتثبت. Salam alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullah. Donc le cheikh il explique que si vous vient un pervers, c'est-à-dire quelqu'un vous vient avec une information et c'est un fasiq, c'est-à-dire un homme qui vient par exemple et qui rase sa barbe, hein? Il rase sa barbe, donc ça veut dire que c'est un fasiq parce qu'il persiste à désobéir à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, laissez pousser la barbe. Et celui-là n'a pas laissé pousser sa barbe, il l'a rasée. Donc, cet homme fait partie des fasiqin. Bien entendu, à condition que la personne soit au courant, que la personne sache que de raser la barbe c'est une marsia, que c'est un péché. Parce qu'il y a beaucoup de gens parmi les musulmans aujourd'hui qui sont ignorants et ils ne savent pas que par exemple raser la barbe c'est haram. Soit parce qu'ils n'ont pas cherché à connaître, ils n'ont pas appris la religion comme il faut, et parce qu'ils ont été parfois aussi trompés. Ils ont été trompés par des pseudo-savants ou des gens qu'ils considèrent eux comme étant des savants alors que ce sont des ignorants ou des égarés qui suivent leur passion et qui essaient de changer ou déformer la réalité de l'enseignement de l'islam. Donc ils vont apprendre de ces chouyours de l'égarement que raser la barbe c'est pas haram, que c'est pas un péché, que c'est pas obligatoire de laisser pousser la barbe. Et donc à cause de ça, ils vont se raser pensant que ces gens-là sont des gens véridiques, pensant que ces gens-là sont des gens qui défendent la réalité de l'islam, alors qu'en réalité c'est le contraire. En réalité ce sont des gens qui ne connaissent pas, ou soit qui ne connaissent pas la réalité de l'islam, ou bien ils la connaissent mais ils suivent leur passion et leur désir. Lorsque c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna, lorsqu'ils savent que qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna, ils rejettent le Coran et la Sunna et ils suivent leur passion et leur désir à la place. Donc on est devant ces genres de personnes là. Donc si c'est quelqu'un qui a la connaissance et qui rejette la vérité et qui refuse de laisser pousser la barbe alors qu'il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de la laisser pousser, mais qu'il suit ses passions, certes cette personne, il n'y a pas de doute hein, que c'est un fait certes. Tandis que si c'est quelqu'un qui est ignorant, qui ne connaît pas, ou qui suit aveuglément des gens qui sont dans l'égarement et qui s'est laissé tromper, sans comprendre, sans connaître réellement, alors c'est sûr que cette personne, ce n'est pas nécessairement un fasiq dans ce cas-là. Mais il faut lui apprendre, il faut lui expliquer. Hein. Donc le cheikh, il dit donc que si cette personne, donc, elle ne laisse pas pousser sa barbe, mais il la rase, alors il fait partie, comme on a dit, qu'est-ce que le cheikh explique, il dit que cette personne fait partie des fasiqin. Parce qu'il persiste à faire un péché. Et de raser la barbe, ce n'est pas un petit péché, c'est un grand péché, c'est un péché grave. Pourquoi? Parce qu'en plus c'est un péché que tu fais et tu persistes à le faire. Hein? Et en plus c'est un péché qui est visible. C'est un péché qui est visible parce que quand tu te rases, tout le monde voit que tu désobéis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu contredis l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et tu contredis sa sunna. Donc, ça, il n'y a pas de doute que c'est un grave péché. Parce qu'un péché que tu fais en privé, c'est moins grave qu'un péché que tu fais en public. Hein? Et donc, ça, c'est un exemple aussi qui fait qu'un péché peut être plus grave parfois lorsqu'il est visible. Et parce que aussi, en même temps, ça peut être quelque chose qui influence les autres. Lorsque tu fais un péché devant les gens, ça a une influence sur les autres. Et si les autres t'imitent dans ce péché-là, non seulement tu auras ton péché à toi, mais tu auras le péché de tous ceux qui t'ont imité et qui t'ont suivi dans le péché. Donc si tu es une mauvaise influence, si tu influences les gens dans le haram et dans le péché, eh bien ça augmente ton péché, ça augmente ton crime. Ça t'ajoute des fautes et des péchés au jour de la résurrection. Donc ça c'est un point en plus de ça. Donc si cette personne qui est fasiq et qui persiste à faire ce péché, elle te vient avec une information quelconque, eh bien tu ne dois pas l'accepter. Hein? Tu ne dois pas accepter l'information que cette personne-là t'amène à cause de la perversité qu'elle a, à cause du fisq qu'elle a. Mais en même temps, on ne doit pas la rejeter complètement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il t'amène comme information? Tu ne dois pas l'accepter, mais en même temps aussi, tu ne dois pas la rejeter complètement. Parce que c'est possible que cette information soit vraie aussi, même si c'est un fasiq. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, « Fatabayyanu ». إن جاءكم يعني فاسق بنبأ فتبينوا c'est-à-dire vérifiez-la, hein? Rassurez-vous, clarifiez la chose pour être certain que hein, c'est vrai avant de l'apprendre cette information. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc dans le verset il n'a pas dit rejetez l'information, mais il a dit vérifiez-la. Donc on ne doit pas l'accepter, on ne doit pas la rejeter, mais on doit la vérifier. Et dans une autre lecture de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont, dans une autre récitation du verset, Fatabayyanu, d'autres parmi les sahaba ont récité, Fatathabbatu, c'est-à-dire la même chose, de vérifier, Tathabbut, d'être certain de l'authenticité, de la véracité de l'information avant de l'accepter. Donc ça c'est très important. Et les ulama de hadith, ils ont tiré de ce verset plusieurs bienfaits, plusieurs points importants dans la question de l'acceptation des narrations et des informations. Et ils ont dit aussi que le sens contraire est vrai. C'est-à-dire, si quelqu'un qui est pervers vous vient avec une information, vérifiez-la. Mais si quelqu'un qui est juste et honnête et droit dans sa religion vous vient avec une information, alors ça implique aussi que vous devez l'accepter. Hein? Vous devez l'accepter. Yani. Donc ça c'est un autre point important. Le cheikh il dit وَإِذَا فَإِذَا قِيلَ لَكَ أو فَإِذَا قَالَ قَائِلَ إِذَنْ لَا فَائِدَةَ مِنْ خَبَرِهِ قُلْنَا لَا بَلْ فِي خَبَرِهِ فَائِدَةَ وَهُوَ أَنَّهُ يُحَرِّكُ النَّفْسِ يُحَرِّكُ النَّفْسِ حَتَّى نَسْأَلْ وَنَبْحَثْ يعني يحرك النفس حتى نسأل ونبحث لأنه لولا خبره ما حركنا ساكنا ولكن لما جاء بالخبر نقول لعله كان صادقا فنتحرك ونسأل ونبحث فإن شهد له الواقع بالحق قبلناه لوجود القرينة الدالة على صدقه وإلا رددناه وقوله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يفيد أنه إن جاءنا عدل فإننا نقبل الخبر أي نعم. Donc c'est ça que j'expliquais. Donc le cheikh il dit lorsque si quelqu'un par exemple vient il dit dans ce cas-là il n'y a aucune aucun bienfait yani que cette personne nous donne cette information puisque on ne doit pas l'accepter. Et le cheikh il dit non, il y a un bienfait là-dedans. Puisque lorsque la personne nous donne cette information, ça nous pousse à bouger et à questionner et à rechercher pour savoir si l'information est vraie ou non. Tandis que si on n'avait pas eu cette information-là, eh bien on n'aurait pas bougé du tout et on n'aurait pas essayé de chercher à savoir si l'information est vraie ou non. Mais lorsque la personne qui est perverse, elle est venue avec cette information, eh bien nous on dit il est possible que cette information soit véridique et qu'elle soit vraie. Et donc on commence à chercher. On commence à se renseigner. Et si on constate que la personne, qu'est-ce qu'elle a dit, il y a des choses qui témoignent dans la réalité que cette parole qu'elle a mentionnée, cette information qu'elle nous a transmise est vraie, eh bien dans ce cas-là, on va l'accepter à cause des indices qui prouvent sa véracité et que c'est une information qui était vraie. Sinon, si on constate le contraire, c'est-à-dire qu'on réalise que c'est une information qui est fausse, dans ce cas-là, on va la rejeter. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si vous vient un pervers avec une information, alors vérifiez-la. Et ça, le cheikh dit, ça indique également en même temps que si une personne qui est droite et honnête, qui est connue comme étant une personne droite dans sa religion et dans sa connaissance de l'islam, et dans son comportement et dans ses mœurs, elle vient nous donner une information, eh bien, la règle de base, c'est qu'on est supposé d'accepter cette information-là. Le cheikh il dit ensuite, « لكن هذا فيه عند العلماء تفصيل دل عليه القرآن والسنة فمثلا الشهادة بالزنا لو جاءنا رجل عدل في دينه مستقيم في مروءته وشهد أن فلانا زنى فلا نقبل شهادته وإن كان عدلا بل نجلده 80 جلدة لأنه قذف هذا الرجل البريء من الزنا قد قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة فنجلده 80 جلدة ولا نقبل له شهادة أبدا ونحكم بأنه فاسق وإن كان عدلا حتى يتوب إذا شهد رجلان عدلان على زيد أنه زنى فلا نقبل شهادتهما ولا ثلاثة فإذا كانوا أربعة عدول نعم لأن الله تعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. وقال تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون حتى وإن كانوا صادقين. فلو جاءنا ثلاثة نعرف أنهم ثقات عدول وشهدوا بالزنا على شخص فهم عند الله كاذبون غير مقبولين نجلدهم كل واحد ثمانين جلدة. فإذا جاءنا رجل شهد على شخص بأنه سرق فلا نقبل شهادته بل لا بد من رجلين. Donc on va mentionner qu'est-ce que le cheikh il explique ici. Il dit, si une personne nous vient avec une information et que la personne est droite dans sa religion, à la base c'est que, yani, on doit l'accepter. Sauf qu'il y a des détails que les ulama ont mentionnés à ce sujet. Et ces détails sont tirés du Coran et de la Sunna. Et donc, il dit par exemple, si quelqu'un vient vers nous et témoigne par rapport à quelqu'un du fait qu'il aurait commis l'adultère, hein, ou la fornication, eh bien, le cheikh il dit, si un homme qui est juste et honnête dans sa religion est droit, et qui a des bonnes mœurs, qui est droit dans ses mœurs, et il témoigne qu'une personne a commis l'adultère, hein, ou la fornication, eh bien, on ne doit pas accepter son témoignage, même s'il est honnête et droit. Et il doit recevoir 80 coups de fouet. Il doit recevoir 80 coups de fouet. Pourquoi ? Hein ? Parce qu'il l'a accusé, hein, injustement quelqu'un innocent d'avoir commis le zina. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, le verset 6 dans surat An-Nur, et quant à ceux qui lancent, il dit ce qui signifie, et quant à ceux qui lancent des accusations contre les femmes chastes, sans produire quatre témoins, par la suite, fouettez-les 80 coups de fouet. C'est le verset 4 dans surat An-Nur. Et ceux qui lancent des accusations contre les femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers. Naam. Donc le cheikh il dit, on doit les fouetter 80 coups de fouet. Et on n'acceptera plus jamais leur témoignage. Et on va juger à leur sujet que ce sont des pervers, des fasiqines. Même si ils sont justes à la base, jusqu'à ce qu'ils se repentent. Hein? Et si deux hommes témoignent que Zayd ou un tel a commis le zina, eh bien on n'accepte pas leur témoignage à tous deux. La même chose que s'ils sont trois, on n'accepte pas le témoignage des trois non plus. Il faut qu'ils soient quatre. S'ils sont quatre témoins qui sont justes et droits et honnêtes, naam, dans ce cas-là, on l'accepte. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans le verset 4 qu'on a lu tout à l'heure, ce qui signifie, et ceux qui lancent des accusations contre les femmes chastes, sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage, et ceux-là sont les pervers. Et le verset, même si ici, qu'est-ce qui est mentionné, c'est les femmes chastes qui sont accusées, mais ça ne se limite pas uniquement aux femmes. C'est-à-dire, même si celui qui est accusé, c'est un homme, hein, on l'accuse d'avoir fait le zina sans témoin, hein, ou bien on l'accuse d'avoir fait l'homosexualité ou comme la sodomie ou des choses comme ça, c'est la même chose. Si quelqu'un ne produit pas 4 témoins, eh bien c'est lui qui recevra 80 coups de fouet. Et ça, c'est dans le but de protéger l'honneur des gens, pour pas que les gens se permettent d'accuser des gens innocents sans preuve. Et il dit ensuite, لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. لولا يعني s'ils ne viennent pas, ou s'ils étaient venus avec, quatre témoins. Et donc, s'ils ne viennent pas avec quatre témoins, alors ceux-là sont les menteurs pour Allah. Ceux-là pour Allah sont les menteurs. C'est le verset 13. Pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leurs accusations quatre témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ceux-là auprès d'Allah sont les menteurs. Donc même s'ils étaient véridiques, ils sont les menteurs auprès d'Allah. Même s'ils sont venus, ils étaient trois, et on sait de ces trois personnes qu'elles sont honnêtes et justes et droites dans leur religion, et qu'elles témoignent que quelqu'un a fait le zina, pour Allah ce sont des menteurs et leur témoignage n'est pas accepté, et ils doivent recevoir 80 coups de fouet. Ils doivent recevoir 80 coups de fouet pour avoir fait ce témoignage sans produire de témoins. Un autre exemple aussi, si un homme nous vient par exemple, il témoigne que quelqu'un a volé, eh bien c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est pas la même chose, comme il ne va pas nécessairement recevoir 80 coups de fouet, mais on n'acceptera pas son témoignage. Pourquoi? Parce que dans le vol, il faut qu'il y ait deux témoins absolument. S'il n'y a pas deux témoins, on ne peut pas accepter son témoignage. Le cheikh il dit ensuite, وَإِذَا جَاءَنَا رَجُلٌ شَهِدَ بِأَنَّهُ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ فَنَقْبَلْ شَهَدَتَهُ لِأَنَّ السُّنَّةَ وَرَدَتْ بِذَلِكَ فَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تراء الناس الهلال يعني ليلة الثلاثين من شعبان فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصاموا وأمر الناس بالصيام وإذا كان رجل غنيا ثم أصيب بجائحة ثم جاء يسأل الزكاة وأتى بشاهد أنه كان غنيا وأصابته حائجة جائحة وأصابته جائحة وافتقر فلا نقبل شهادة الواحد ولا نقبل شهادة اثنين بل لا بد من ثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة إنها لا تحل المسألة وذكر منها رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه إن فلانا قد أصابته جائحة يعني حلت له المسألة ثلاثة من ذوي الحجى يعني من ذوي العقل. Donc ça c'est un exemple aussi. Le cheikh il dit encore, si quelqu'un nous vient par exemple et il témoigne qu'il a vu le hilal de Ramadan et il est tout seul, il dit celui-là on accepte son témoignage. Pourquoi? Parce que dans la sunna il a été mentionné que on a accepté le témoignage d'une personne pour déterminer le début du Ramadan et la vue du hilal. L'exemple de ça, c'est le hadith de Omar, d'Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma. dit, les gens regardaient le ciel pour trouver le hilal, la nuit de yani de Sha'ban, du 30e de Sha'ban, la 30e nuit de Sha'ban. Les gens cherchaient le hilal et il dit, moi je l'ai vu. Alors je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai informé que je l'ai vu. Alors il l'a jeûné, il a dit aux gens de jeûner. Il a jeûné, il a dit aux gens de jeûner. Donc, et il donne un autre exemple ensuite. Il dit, si par exemple un homme était riche, puis il a été frappé par la pauvreté. Il a perdu toute sa richesse et tous ses biens. Puis après il demande de la zakat. Et puis il dit, il ne peut pas venir avec un témoin pour dire par exemple que la personne a été frappée par une faillite ou la pauvreté, devenue pauvre. On ne peut pas accepter le témoignage d'une seule personne. Il faut que ce soit trois. On ne peut pas accepter le témoignage d'une personne, ni le témoignage de deux personnes. Il faut que ce soit trois personnes qui témoignent. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Qubaysa, ou Qabisa, qu'il n'est pas permis à quelqu'un de mendier. Il n'est pas permis à quelqu'un de mendier. Et on lui a mentionné l'homme qui a été frappé par la pauvreté, qui a eu un malheur, tous ses biens ont péri et il n'a plus rien. Alors il a demandé que trois personnes parmi les gens qui ont de la raison témoignent que la personne en question a réellement perdu ses biens et qu'il est devenu pauvre. Et si trois personnes témoignent, alors dans ce cas-là, il aura le droit de demander de l'aide, dans ce moment-là. Il dit ensuite, وكذلك نقبل رجل مع يمين المدعي كما لو ادعى شخص على آخر بأنه يطلبه ألف ريال. قلنا للمدعي هات بينه. قال عندي رجل واحد فإذا أتى برجل واحد وحلف معه حكمنا له بما ادعاه. أي نعم. وهناك أشياء أيضا لا يتسع المجال لذكرها. وعلى هذا فخبر العدل فيه تفصيل على ما تقدم. وخبر الفاسق يتوقف فيه حتى يتبين الأمر. Donc le cheikh il dit, de même que dans le cas où quelqu'un prétend de l'argent de quelqu'un d'autre, où il dit cette personne elle me doit 1000 riyals ou 1000 dollars ou quelque chose comme ça, eh bien on va dire à celui qui prétend que on lui doit cet argent-là, on dit amène une preuve. Amène une preuve. Et il dit par exemple, j'ai une personne qui témoigne pour moi. Et donc il vient avec cette personne et puis il jure, il fait un serment par la suite avec ça. Dans ce cas-là, on va juger que ce qu'il a prétendu lui appartient réellement. Et il dit, il y a d'autres choses également. On n'a pas le temps de mentionner tous les détails, mais il y a beaucoup d'autres exemples comme ça aussi. Donc, en ce qui concerne l'information de la personne qui est juste et honnête, il y a des détails à ce sujet-là. Et donc, ça dépend dans quoi le témoignage. Ça dépend, le témoignage, il est à quel sujet et dans quel genre de témoignage. Puis, en ce qui concerne l'information de la personne qui est perverse, eh bien, on doit s'abstenir à son sujet jusqu'à ce qu'on ait vérifié. ثم بين الله عز وجل الحكمة من كوننا نتبين بخبر الفاسق. فقال أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Il dit, يعني أمرنا أو أمرناكم أن تتثبتوا كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة. لأن الإنسان إذا تسرع ولم يتثبت فقد يعتدي على غيره بناء على الخبر الذي سمعه من الفاسق، وقد يكرهه، وقد يتحدث فيه في المجالس، فيصبح بعد أن يتبين أن خبر الفاسق كذب نادما على ما جرى منه. لأن هذه، وفي هذه الآية دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتثبت فيما ينقل من الأخبار، ولا سيما مع الهوى والتعصب. فإذا جاءك خبر عن شخص وأنت لم تثق بقول المخبر، فيجب أن تتثبت وأن لا تتسرع في الحكم، لأنك ربما تتسرع وتبني على هذا الخبر الكاذب فتندم فيما بعد. أي نعم. Donc le cheikh il dit, puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne la sagesse, pourquoi on doit vérifier l'information du fasiq lorsqu'il nous dit quelque chose. Il dit فَتُصِيبُ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، mais tu vas faire du tort à des gens par ignorance, par inadvertance, et donc par la suite tu vas devenir, hein, tu vas regretter, tu vas avoir des remords de ce que tu as fait. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ici de vérifier l'information pour ne pas faire du mal à des gens par ignorance. Parce que si quelqu'un se précipite sans vérifier, eh bien il va transmettre des informations à propos de quelqu'un qui vont lui faire du tort, il va transgresser contre les gens en se basant sur des informations qu'il a entendues de la part d'un pervers, et peut-être que yani, c'est des choses qu'il, yani, qu'il déteste, hein? Subhanallah. Et donc il va mentionner ces paroles-là dans les assises, dans les assemblées, devant les gens, et puis par la suite quand on va clarifier que cette information de la part de ce pervers était une information mensongère, eh bien il va avoir des remords, hein? Il va regretter d'avoir transmis et propagé ces informations-là alors que c'était faux. Et combien de fois ce genre de choses-là se sont produites de la part de certains, qu'ils entendent, hein, ils entendent des informations ou des choses à propos de quelqu'un et ils se précipitent à le dévoiler ou à l'exposer devant tout le monde, puis par la suite on leur dit yani, ça c'est un mensonge, c'est pas vrai. Eh bien après yani, en même temps ça fait l'air, en même temps ça paraît très mal. Pourquoi? Parce que après les gens vont plus prendre au sérieux cette personne. Ils vont dire ah, cette personne, tout ce qu'elle entend elle le propage, hein? Et elle ne vérifie même pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith, kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddith bi kulli ma sami'a. C'est suffisant comme mensonge pour une personne qu'il dit tout ce qu'il entend. Il dit tout ce qu'il entend. Ça c'est grave. Et il ne vérifie même pas pour savoir si l'information est vraie ou non. Donc vérifiez l'information avant, et une fois que vous êtes convaincu et certain que l'information est vraie et exacte, oui, dans ce cas-là, oui. Hein, vous pouvez l'utiliser et juger sur cette chose. Mais si l'information est inexacte, incomplète, hein, fausse, mensongère, et que vous l'utilisez, eh bien, ça va revenir contre vous. Hein, et ça, c'est très dangereux. Donc, vous allez être par la suite rempli de remords et de regrets de qu'est-ce que vous avez fait, et ça va revenir contre vous. Donc le cheikh il explique, il dit il faut donc absolument vérifier, hein, vérifier l'information du pervers pour éviter de se tromper. Des fois c'est pas la personne, des fois la personne elle n'est pas une personne perverse nécessairement, mais elle a une mauvaise mémoire. Une fois le Cheikh Mohammed Ibn Hadi Al-Madkhali, il expliquait ça, il dit, c'est pas, des fois il dit, c'est pas parce que j'ai pas confiance en certains frères, mais certains ils ont une mauvaise mémoire. Et ils entendent quelque chose, puis après ils le transmettent, mais ils ne le transmettent pas de la manière exacte, de la façon comment ils l'ont entendu. Soit ils enlèvent ou ils rajoutent. Et donc c'est pour ça que c'est mieux de faire attention, même si ça vient d'une personne qui est fiable, d'être certain que les propos qui sont transmis à propos de quelqu'un ou une information, que ça soit transmis de façon exacte. Et même des fois qu'on fait des réfutations contre des gens, eh bien, de transmettre la parole telle qu'elle, quand on la réfute. Parce que si tu réfutes quelqu'un pour une parole qu'il a dite qui était incorrecte, mais que tu la transmets incomplète ou incorrectement, eh bien, tu viens de détruire ta propre réfutation. Tu as détruit toi-même ta propre réfutation. Parce que la personne que tu voulais réfuter, eh bien, tu devais la réfuter sur ce qu'elle a dit, pas sur la moitié ou bien une partie, ou une parole déformée. Donc ça, c'est très important aussi. Donc, il faut mentionner la parole de la personne en entier, même si c'est des koufars que tu réfutes parfois. Et c'est mieux de prendre la citation telle qu'elle. Tu vas dans leurs propos, que ce soit des audios ou des écrits, tu vas dans leurs écrits, tu vas dans leurs audios, tu le prends telle qu'elle, avec les virgules et tous les détails, les points sur les i, et tu le ramènes exactement comme la personne l'a mentionné, sans rajouter rien et sans enlever rien. Et tu le mets tel quel. Personne par la suite ne peut t'accuser de quoi que ce soit. Et ça, c'est une des choses qui faisait la force des réfutations de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et des grands ulama d'Ahl Sunnah. Et des exemples aussi des réfutations des ulama de notre époque, des grands ulama salafiyin, comme les réfutations de Sheikh Rabi et les réfutations de grands ulama comme lui. Personne ne peut les accuser d'avoir menti ou d'avoir déformé les propos ou d'avoir coupé les citations, parce qu'ils ont fait preuve d'honnêteté et de rigueur dans leur réfutation, et ils ont été clairs. Et ils ont ramené les paroles de la personne qu'ils réfutent telles qu'elles. Et c'est ça qui fait la force de leur réfutation. Donc le cheikh, il dit ensuite... Donc, que dans ce verset, il y a la preuve qu'il est obligatoire à quelqu'un de vérifier ce qui est transmis comme information, surtout lorsqu'on sait qu'il y a parfois des passions qui rentrent en jeu ou du fanatisme. Et il dit, si quelqu'un te vient avec une information à propos de la part de quelqu'un et que tu n'as pas confiance en la parole de cet informant, alors il est obligatoire pour toi de vérifier et de ne pas te précipiter à juger. Parce que peut-être qu'en te précipitant, eh bien, tu vas te baser sur une information qui est mensongère, puis ensuite tu vas être, tu vas avoir des regrets et tu vas regretter. Le Cheikh il dit, وَمِنْ ثَمَّ جَاءَ التَّحْذِيرُ مِنَ النَّمِيمَةِ وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض للإفساد بينهم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أي في أمر شاق عليهما وأما أحدهما كان لا يستتر من البول ولا يستبرئ ولا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يعني يمشي بين الناس ينم الحديث إلى الآخرين ليفسد بين الناس. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ومن هذا النوع ما ينسب إلى بعض العلماء من الفتوى التي لم يتكلم بها إطلاقا، أو تكلم ولكن فهم ما ينقل عنه خطأ، فإن بعض الناس قد يفهم من العالم كلمة على غير مراد العالم بها، وقد يسأل العالم سؤالا يتصوره العالم على غير ما في نفس هذا السائل، ثم يجيب على حسب ما فهمه، ثم يأتي هذا الرجل وينشر هذا القول الذي ليس بصحيح. وكم من أقوال نسبت إلى علماء أجلاء لم يكن لها أصل، ولهذا يجب التثبت فيما ينقل عن العلماء أو غير العلماء، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الأهواء وكثر فيه التعصب، وصار الناس كأنهم يمشون في عماء. Donc le cheikh il dit, de même que il rentre dans cela aussi l'avertissement, hein, il est, yani on a reçu l'avertissement contre an-namima, hein, la médisance. Qu'est-ce que c'est an-namima? Ça signifie de transmettre aux gens les paroles des uns et des autres dans le but de créer de la discorde entre eux, hein, dans le but de faire du désordre et de créer de la discorde entre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est qattat, il n'entre pas au paradis. Le qattat, c'est-à-dire celui qui transmet les paroles des gens aux uns et aux autres pour essayer de corrompre ou de faire de la discorde entre eux, qu'est-ce qu'on appelle en arabe an-namam, celui qui fait la namima, eh bien il n'entre pas au paradis. C'est une menace, hein, c'est une menace. Ça ne veut pas dire qu'il est kafir, ça veut dire qu'il est sous la menace de l'enfer. Et il a été rapporté de façon authentique également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé auprès de deux tombes et il a dit, ces deux-là, ils sont châtiés. Hein? Et il a dit, ils ne sont pas châtiés dans quelque chose qui est grand. En voulant dire, c'est pas quelque chose qui est difficile, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est pas quelque chose qui est lourd, c'est quelque chose de très facile. Par exemple, un d'entre eux, quand il urinait, il ne se préservait pas des gouttes d'urine sur ses vêtements et sur lui. Ça, c'est une chose. Alors que c'est une chose très facile à faire, de se préserver des gouttes d'urine, lui, il ne faisait pas attention. Et l'autre, il marchait en faisant de la médisance entre les gens. Hein? Il marchait parmi les gens et transmettait les paroles des uns et des autres pour créer du désordre et de la discorde entre eux. Et donc, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait par la suite? Il a pris des palmes, des feuilles de palme. Il a pris une feuille, il a comme on appelle des rameaux, hein, des rameaux, et il en a coupé une en deux et il a planté ces deux morceaux de rameaux sur ces deux tombes-là. Et les sahabes ont dit, ô messager d'Allah, pourquoi as-tu fait cela? Il a dit, peut-être que cela va alléger ou diminuer leur châtiment jusqu'à ce qu'elles sèchent, jusqu'à ce que ce rameau sèche. Et bien entendu, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qu'on a le droit de faire aujourd'hui, prendre des rameaux ou des plantes ou des feuilles ou des arbres et les mettre sur les tombes. Si quelqu'un fait ça, ça devient une innovation. Parce que c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et ça c'est quelque chose qu'il a fait une fois, c'est une particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas dit de le faire pour les autres, et il n'y a personne non plus qui a rapporté que il a dit de le faire pour d'autres personnes que ces deux-là. Non. Et aussi, en même temps, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, qui sait, hein, il savait qu'est-ce qu'il y avait dans ces deux tombes-là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé cette information-là. Tandis qu'il n'y a personne autre que lui qui peut avoir cette information-là à propos de d'autres tombes. Hein, donc ça aussi, c'est un exemple. Et ça répond donc à ceux qui voudraient essayer de faire ça. Parce qu'il y en a malheureusement qui tombent dans cette bid'ah. Après, le cheikh, il dit, et parmi les choses qui rentrent dans cette catégorie aussi, qu'est-ce qui est mentionné dans ce verset-là, c'est qu'est-ce qui est attribué parfois à certains ulama comme fatwa. Des choses qu'ils n'ont jamais dites du tout, et on leur attribue certaines paroles ou certaines fatwas qu'ils n'ont jamais dites. Et ça, on le voit surtout aussi dans les médias parfois. Des gens qui veulent faire paraître mal les ulama de l'islam, ou essayer de parler, de dénigrer les ulama de l'islam. Donc ils vont prendre leurs paroles, ils vont leur attribuer des choses qu'ils n'ont jamais dites pour les dénigrer. Ou bien ils vont déformer leurs propos. Ou bien ils vont mentionner des choses en fait qui ont été mal comprises, des propos des ulama. Ils vont les déformer. Ça, il y a beaucoup d'exemples de ça aussi. Et il dit parfois, il y a certaines personnes qui comprennent une chose de la part d'un savant, mais ils n'ont pas compris qu'est-ce que le savant a voulu dire par cette parole-là. Parfois, on pose à un savant une question, et le savant en question a pensé que on lui posait à propos de telle ou telle chose, et donc lui, il n'a pas vraiment peut-être compris la réalité de ce que la personne qui posait la question voulait dire, et donc lui, il répond à la question selon ce qu'il a compris, et donc la personne prend la réponse et la propage, alors que c'est une parole qui est incorrecte, parce que le savant, lui, il a répondu selon ce qu'il a compris de la question, mais la question était pas réellement ce que le cheikh a compris ou ce que la personne a dit. Peut-être la personne qui pose la question, parfois elle s'était mal exprimée, ou bien elle a dit une chose mais elle voulait dire autre chose, et le savant il a répondu selon sa compréhension. Alors le résultat, c'est que la fatwa est incorrecte, et lui il la propage. Hein? Donc il dit, combien de paroles ont été attribuées à des grands ulama alors qu'en réalité, ils ne l'ont jamais dite, ils ne l'ont jamais mentionné. Et c'est pour cette raison-là que c'est important de vérifier ce qui est transmis de la part des ulama ou d'autres que les ulama également. Et en particulier à notre époque, on sait que dans notre époque, il y a beaucoup de désirs et de passions, et beaucoup de fanatisme. Des gens qui s'attachent aveuglément à suivre quelqu'un ou à s'accrocher aux paroles de quelqu'un, même lorsqu'il est dans l'erreur. Donc ça, c'est grave. Et donc les gens sont devenus comme s'ils marchaient, comme s'ils marchaient alors qu'ils sont aveugles dans les ténèbres et dans la confusion. Donc ça, c'est grave. Non, donc on a terminé donc d'expliquer le verset en question. Donc, est-ce qu'on s'arrête ici? وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. Ça, c'est le prochain verset. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la suite demain. بِإِذْنِ اللَّهِ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.